J'ai rêvé d'extase, de faf, de plage, me barrais de là où le mal se cache. Remplis ma gourde de larmes dans ce désert aride, j'nafique, j'garde le cap. Mais sans j'monter, j'comme un briquet sans gaz, le sablier m'angoisse. Les barres créées s'entassent, j'peux pas le nier, j'm'encrasse dans le bad. J'empile les idées tristes, nique vos psy quand le spleen m'hypnotise. J'presse le beat sans ineptie, 666 balles dans le plexus. Addiction trouble, semelle, vision troublée ici-bas, pas de mission trouvée. Assoiffé, l'oasis paraît, c'est réel. La paresse freine les bêtes, c'est garé vers tes tailles pour apaiser les nerfs. Le mal est très extrême, la Yvine Gudro, j'ai du mal à apprécier les faits. Je réponds, tu me feras jamais rabaisser les frères. Binoclar, manie la mine au calme, rime opaque, viscère en kilogramme. S'il flot part direct, le stylo baf. Saleté de poise, j'ai perdu ma boussole dans le sable. Mais ça le fait, ici j'ai plus la notion du temps, ça me plaît. Je me voyais au Seychelles avec la sept en cale. Parole ça, je me retrouve sous une aisselle entassée dans un tram. Ah, pas d'oasis dans ce désert là, je confonds la ville et songe. Un pic, tu gis d'une piste et quelques îles sombres. Je me voyais au Seychelles avec la sept en cale. Parole ça, je me retrouve sous une aisselle entassée dans un tram. Ah, pas d'oasis dans ce désert là, je confonds la ville et songe. Un pic, tu gis d'une piste et quelques îles sombres. J'sais qu'on peut se cacher de l'autre côté de la thune, mais chez les ponts pleins de sable, on a tous rêvé de vivre, pas de champlitude. Mais bosser nique sa race, son ardo cassé, agglutiné dans le trou, moule tram, c'est pareil. J'te rassure, c'est galère ici bas, même si c'est pas pareil. Toi, arrête dans l'âme, j'résiste, car les faves désistent, hein. Dans le mirage comme les autres, gros, tout ça m'assourdit. J'ai tenté de soutirer le peu de bonté qui me reste dans l'âme, tout esquinté, pas tant de colère dans le cœur, comme si ça me colle à la peau. Mec, la déprime règne, j'bois pas de la mentalo, j'pédave pas de mentoler, j'sais qu'à la fin, j'la verrai pas me faucher. Limité par tout ce que j'aperçois, mal ou pas, le traquenard paraît authentique et attrayant sur trois gars. Le soleil tape, mais dans le crâne, c'est l'orage. Bien sûr que c'est trick ma vision quand je déballe ce que cache le cellophane. J'ai peur d'ouvrir les yeux, comprendre qu'on s'est fait berner, me réveiller entouré de sable sans même un srap à mes côtés. Je me voyais au Seychelles avec la sept en cale. Parole ça, je me retrouve sous une aisselle entassée dans un tram. Ah, pas d'oasis dans ce désert là, je confonds la ville et songe. Un pic, tu gis d'une piste et quelques îles sombres. Je me voyais au Seychelles avec la sept en cale. Parole ça, je me retrouve sous une aisselle entassée dans un tram. Ah, pas d'oasis dans ce désert là, je confonds la ville et songe. Un pic, tu gis d'une piste et quelques îles sombres.